Transistor. Nous sommes le jeudi 28 mai 2015 et vous vous réveillez avec Un autre jour est possible, merci. Votre réveil culturel avec dans un instant notre tête chercheuse de la semaine. Depuis lundi, nous parlons de Malcolm X et à travers le Malcolm X de l'Amérique. Aujourd'hui, quatrième épisode de notre série. Et puis en deuxième partie, je recevrai un auteur américain qui a beaucoup compté dans les années 60-70 et dont on vient de traduire un de ses livres de cette période-là, Little America. C'est aux éditions Cambourakis et il s'agit de Rob Swigart, mon invité de deuxième partie. Salam alaikum. Brothers and sisters, Malcolm X. We wake up, we clean up, and we stand up. And once we can stand up like a man on our own feet, we stop begging the white man. And we stop apologizing to the white man. We stop compromising with the white man. Malcolm X. Malcolm X, au nom d'Allah, de l'Amérique des droits civiques, 50 ans après sa mort, son assassinat, Nicole Bacharan, politologue franco-américaine, spécialiste de l'Amérique, revient sur l'itinéraire de ce combattant des droits civiques, qui est un peu particulier, avec une réputation très sulfureuse. On a parlé de son enfance américaine, de l'islam qu'il rencontre dans les prisons, hier de son discours radical et de sa position de leader incontesté. Et aujourd'hui, quatrième épisode, Malcolm X et le continent noir, c'est-à-dire ses premiers voyages, d'abord à la Mecque, Nicole Bacharan, avant de découvrir l'Afrique. Oui, absolument. Il se rend à la Mecque au printemps 1964. C'est la première fois qu'il quitte les États-Unis. Il fait donc ce pèlerinage. Il reviendra d'ailleurs avec un nouveau nom, un nom de religieux pieux qui a fait le pèlerinage. Il s'appellera Malik el-Shabazz, même si c'est un nom finalement qu'on ne lui connaît guère. Hein, dans nos mémoires, il restera Malcolm X. Et ce pèlerinage à la Mecque lui ouvre les yeux sur une réalité qu'au fond il ignorait totalement. Il est là bien loin de son pays, il se retrouve avec tous ses croyants qui portent le vêtement blanc traditionnel, donc finalement semblant au moins en apparence dans une égalité totale, et il voit bien que là il n'y a pas que des Noirs. Bien loin de là, il y a des Noirs évidemment, il y a des Arabes, il y a des Africains de toutes les sortes de couleurs de peau, il y a aussi des Blancs. Des Asiatiques, il écrira qu'il a vu des musulmans aux cheveux du blond le plus blond et aux yeux du bleu le plus bleu. Et ça le bouleverse très profondément. Et à partir de ce moment-là, il réalise que ça n'est pas une question de race, qu'il n'y a pas de race supérieure, que ce n'est pas une question de couleur de peau, mais une question de loi, une question d'égalité, une question de mœurs, mais certainement pas une question de race. Ça transforme totalement le regard de Malcolm X sur le monde et sur son propre pays. Est-ce que ça réaffirme son côté religieux musulman du coup ? Oui, très profondément. Très profondément, ce pèlerinage à la Mecque, pour lui, c'est un accomplissement et un engagement. Et puis, au-delà de ça, il voyage, hein, vous le disiez, au Moyen-Orient, en Afrique. Il va au Caire, où il y a le sommet, un grand sommet africain. Et là, il s'oriente vers un nouveau projet de militantisme qui est de prendre la question des droits des Noirs et de leur oppression en Amérique par l'angle des droits de l'homme, de la défense des droits de l'homme, et d'essayer de mettre en cause, au fond, les États-Unis devant les organisations internationales. Notamment, il avait le projet de le faire à l'ONU à cause du traitement que subissent les Noirs dans ce pays. Donc, ce voyage au Moyen-Orient, en Afrique, ce pèlerinage, cette participation au sommet africain, le transforme, non pas sa personnalité, mais son regard, son militantisme, sa compréhension du monde. Il devient du coup international, Malcolm X ? En tout cas, il aurait aimé le devenir, hein. Il va manquer de temps. Une fois retourné aux États-Unis, puisqu'il n'est plus membre des musulmans noirs... De la Nation of Islam, donc. Voilà, de la Nation of Islam. Il crée lui-même l'organisation de l'unité afro-américaine. Et ce qui est remarquable, c'est que ça n'est pas une organisation musulmane. C'est une organisation ouverte, évidemment, aux musulmans, mais ouverte à tous. Et à ce moment-là, son but est de rassembler le militantisme afro-américain, quelle que soit la religion des uns et des autres. Donc on peut parler de déradicalisation de Malcolm X à cette époque, Nicole Bacharan, ou c'est un peu aller trop vite en besogne ? Oui, si la radicalisation signifie une option, comment dire, extrêmement forte, peut-être violente et au fond un peu bornée. Oui, on peut dire que ça, son esprit s'est ouvert à des choses beaucoup plus complexes. Et d'ailleurs, c'est quand même fascinant, je trouve, chez cet homme encore très jeune, hein, qui, quelques mois auparavant, prêchait le nationalisme noir, la supériorité noire, etc., et qui l'a dit, à partir de ce pèlerinage à la Mecque, « Je suis contre tout racisme, je dénonce tout racisme, toutes les races sont égales, etc. » C'est assez fascinant. Est-ce que tout le monde remarque qu'il y a un changement fondamental dans le discours de Malcolm X aux États-Unis ? En tout cas, ceux qui le remarquent sans aucun doute, ce sont les membres de la Nation of Islam, et qui se sentent reniés, qui se sentent piétinés, méprisés, que sais-je. Et en tout cas, il se fait beaucoup d'ennemis et il reçoit beaucoup de menaces aussi. Pour le reste des États-Unis, je pense que cette évolution n'échappe pas en tout cas à Martin Luther King. Et il y aura finalement une rencontre. Enfin. Une rencontre entre les deux, la première. Hein. Ouais. Ça se passera... en janvier 1965, Martin Luther King est à ce moment-là à Selma, donc dont on parle beaucoup, hein, puisque un film commémore en ce moment le 50e anniversaire de cette marche de Selma, marche pour demander un véritable accès au droit de vote pour les Noirs, puisqu'ils l'avaient en théorie, mais absolument pas en pratique, et que les militants qui ont participé à cette marche ont été traités avec beaucoup de violence. Qui a demandé à rencontrer l'autre ? Je pense que c'est Malcolm X qui l'a demandé, puisque c'est lui qui s'est rendu à Selma. Et il a eu une conversation en particulier avec Coretta King, l'épouse de Martin Luther King, à qui il a dit « Je ne viens vraiment pas pour lui compliquer la vie. Et au contraire, je pense que si les autorités, en quelque sorte les autres, comme il disait, s'apercevaient de l'alternative, c'est-à-dire moi, Malcolm X, il donnerait plus volontiers aux Dr. King ce qu'il demande. » Et il dira ça de manière publique aussi. Donner au Dr. King ce qu'il demande, parce que c'est juste, c'est légitime, et que d'autres militants peuvent être moins tranquilles, moins pacifiques. Et donc c'est un deuxième Malcolm X qui se présente après le pèlerinage à la Mecque, après le sommet au Caire, après la découverte de l'Afrique. Je pense que les États-Unis, les Américains qui s'intéressaient à lui n'ont pas eu le temps de percevoir cette transformation. Il est toujours perçu comme, au fond, quelqu'un de dangereux, quelqu'un qui pourrait passer à la violence, puisqu'il faut quand même noter qu'il n'a jamais eu recours à la violence. Donc cette évolution-là, elle n'est pas perçue du grand public, mais elle est certainement perçue de ses proches et certainement perçue de quelqu'un comme Martin Luther King. C'était plutôt une bonne nouvelle pour Martin Luther King de voir Malcolm X rallier ses idées ou au moins exprimer de la sympathie et de la solidarité à ses combats. Absolument, et Malcolm X a exprimé une vraie solidarité. Il ne s'est pas moqué comme il l'aurait fait quelques années auparavant. Quelques années auparavant, pas du tout. Il disait que le combat était juste et qu'il fallait donner à Martin Luther King ce qu'il demandait. C'était très important parce que King, à ce moment-là, était très inquiet de la montée de la violence parmi les militants. Il y en avait beaucoup parmi les plus jeunes, notamment, qui n'en pouvaient plus de la non-violence. La non-violence, ça voulait dire se rouler en boule pendant qu'on se faisait rouer de coups, qu'on se faire couvrir de ketchup, dans le meilleur des cas, et subir les coups et ne jamais rien rendre, et prier pour ses ennemis, etc. Un tas de choses qui sont quand même extrêmement difficiles dans bien des circonstances. Donc dans les années 64-65, il n'y avait pas que Malcolm X qui parlait de violence. C'était le moment où on entendait Black Power qui commençait à surgir. Et Black Power, c'était à la fois le séparatisme et la menace de la violence. Quelque temps après, aussi, il y aurait les Panthères Noires. Donc le fait que quelqu'un comme Malcolm X, perçu comme très radical, à juste titre, fasse finalement un grand pas vers Martin Luther King, pour le Dr King, c'était un espoir. Comment la Nation of Islam va-t-elle continuer à exister sans Malcolm X, Nicole Bacharan? La Nation of Islam, elle continue à exister. Il y a plus de 100 000 militants. Il y en a d'autres qui arrivent, mais beaucoup moins vite. Elle a perdu, comment dire, le charisme de Malcolm X. C'est beaucoup moins attirant, et j'ai envie de dire, en langage d'aujourd'hui, c'est beaucoup moins cool, c'est beaucoup moins moderne, c'est beaucoup moins provocateur. Et donc, elle continue, mais, ma foi, avec moins de panache. Mais Elijah Mohamed reste en place pour longtemps. Et après Elijah Mohamed, il y a Louis Farrakhan, qui est toujours à la tête de Nation of Islam. Mais aujourd'hui, ça représente pas grand-chose, non? C'est pas en tout cas la branche la plus développée que rejoignent les musulmans noirs. L'islam se développe aux États-Unis, notamment avec l'arrivée de beaucoup d'immigrants qui viennent du Moyen-Orient, d'Inde, du Pakistan. C'est pas tellement une grande flambée des musulmans noirs. Comment va s'arrêter le combat de Malcolm X d'une manière violente? Ça, on le sait, Nicole Bacharan. Malcolm X était quelqu'un de très menacé. Menacé par les musulmans noirs, il le savait. Les membres de Nation of Islam, donc. Exactement. Menacé directement ou indirectement, mais en tout cas, il le craignait par beaucoup de gens. On a parlé du FBI, on a parlé de la CIA, on a parlé de la mafia même. Et de toute façon, les militants noirs, d'une façon générale, il y avait beaucoup qui finissaient mal. Ils n'étaient pas tous aussi célèbres que Malcolm X ou Martin Luther King. Il y a des photos célèbres. Je ne sais pas si vous voyez une photo de Malcolm X qui est debout près d'une fenêtre dans son appartement, et il écarte le rideau, le rideau blanc, pour regarder ce qui se passe dehors. Et il écarte le rideau de la main gauche, et de la main droite, il a un fusil automatique. Donc c'était un homme sur ses gardes et qui se savait très très menacé. Il est assassiné. Il est assassiné en février 1965 dans un théâtre où il faisait une réunion, un meeting. Ouais. Il est assassiné, il faut le dire, en présence de sa femme et de ses quatre enfants qui étaient dans la salle, par des hommes, on a dit trois, c'est certainement vrai, mais on n'est pas totalement certain. Au moins trois, en tout cas, qui se sont avancés vers la scène et qui l'ont criblé de balles à bout portant. Que reste-t-il des combats de Malcolm X? On verra ça demain avec vous, Nicole Bacharan, pour terminer cette série consacrée au leader noir américain 50 ans après son assassinat. Je rappelle, Nicole Bacharan, que vous êtes spécialiste de la société américaine. Vous êtes vous-même franco-américaine, politologue, et qu'entre autres ouvrages publiés concernant l'Amérique, celui-ci que je vous recommande, Les Noirs Américains, des champs de coton à la Maison-Blanche, c'est aux éditions Perrin, publié en 2010. À demain, Nicole Bacharan. À demain. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Up until 1959, Africa was dominated by the colonial powers. And by the colonial powers of Europe having complete control over Africa, they projected the image of Africa negatively. They projected Africa always in a negative light. Jungle, savages, cannibals, nothing civilized. And why, and naturally, it was so negative until it was negative to you and me. And you and I began to hate it. We didn't want anybody to tell us anything about Africa, much less call us an African. And in hating Africa and hating the African, we ended up even hating ourselves without even realizing it. Because you can't hate the roots of a tree and not hate the tree. You can't hate your origin and not end up hating yourself. You can't hate Africa and not hate yourself. And you show me one of these people over here who have been thoroughly brainwashed, who has a negative attitude toward Africa, and I'll show you one that has a negative attitude toward himself. Et maintenant, l'invité culturel. Et mon invité aujourd'hui est Rob Swigart. Bonjour. Écrivain américain très particulier qui parle de l'Amérique des années 60-70, ces années à lui, les années LSD. Vous étiez plutôt spécialisé dans la science-fiction qui résumait toutes les angoisses qui traversaient l'Amérique ces années-là. Et là, avec Little American que vous avez publié en 1977 aux États-Unis et qui nous arrive avec près de 40 ans de retard puisque la traduction en français vient de sortir chez nous aux éditions Cambourakis. Bonjour Rob Swigart. Bonjour. Et vous parlez français ? Un peu. Bon, Amandine Schneider est là, juste à côté de vous, pour traduire vos propos si vous ne trouvez pas les mots en français. Avant de parler de votre univers, de votre livre, puisque cette semaine on parle de Malcolm X, est-ce qu'aujourd'hui Malcolm X représente quelque chose aux États-Unis, dans l'Amérique d'aujourd'hui ? In my opinion, he's probably fallen into some. Selon moi, il est un petit peu tombé dans l'oubli. Il n'est pas aussi connu qu'il était à l'époque. On n'en parle pas autant qu'on en parlait à l'époque. Et pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup plus de Martin Luther King, on consacre même des films au combat de Martin Luther King, alors que Malcolm X, pour vous, pour reprendre votre expression, Rob Swigart, est tombé dans l'oubli? We speak more about Martin Luther King probably because he spoke more about peace than Malcolm X. Sans doute parce qu'il parlait plus de la paix que Malcolm X. And to have an official national holiday, I think it's important for political class to have someone who speaks of peace rather than revolution. Une journée nationale, il vaut peut-être mieux avoir quelqu'un qui parle plus de la paix que de la révolution. Bon, alors parlons un peu de votre jeunesse, Rob Swigart. Vous êtes né le 7 janvier 1941. Qu'avez-vous fait de vos 20 ans à l'époque, justement, des combats des Noirs américains pour leurs droits civiques ? I grew up in the 1950s when j'ai grandi dans les années 50 quand le président Eisenhower était au pouvoir. And it was a kind of suffocation. Et les jeunes gens qui grandissaient à l'époque avaient un sentiment d'étouffement. Lots of conformity, lots of le conformisme régnait, on avait cette pression achieving the right kinds of goals. Les bons objectifs. Was important to have a station wagon. Il était important de posséder un van. Van, oui. It was important to have a house. Il était important de posséder une maison, pas en ville, mais en banlieue. En oui. banlieue. Mm-hmm. It was important to have 2.3 children. Il était important d'avoir 2,3 enfants. Mm-hmm. A dog. Un chien. And belong to a club where you play golf. D'appartenir à un club où on joue au golf. And that was not et ce n'était pas exactement mes objectifs. Et vous, alors, qu'avez-vous fait de vos 20 ans? After college, donc après avoir obtenu mon diplôme à l'université, j'ai enseigné l'anglais en Grèce. I spent some time et j'ai effectué un séjour dans l'armée, qui était l'expérience la plus comique de ma vie. En quoi cette expérience a été comique? Parce que vous étiez appelé sous les drapeaux en pleine guerre du Vietnam, si mes calculs sont bons. That was just before Vietnam. C'était juste avant le Vietnam. So the military was between wars. C'était entre deux guerres, oui. Entre la guerre. And it was an organization that I had learned about from Catch 22. C'est une organisation dont j'avais entendu parler, surtout à travers le roman Catch 22 de Joseph Heller. Et j'ai été impressionné de constater à quel point le roman avait raison. Très bien, on va pouvoir parler de Little America, mais je note, Rob Swigart, vous n'avez absolument rien dit sur le combat des droits civiques des Noirs, parce que c'est un sujet qui ne vous intéressait pas à l'époque, qui ne vous intéresse pas, ou c'est parce que je me suis mal exprimé. Oh, the civil rights movement. Mm-hmm. Yeah. It was very important. It was part of the, c'était un mouvement très important qui s'inscrivait dans ce besoin de changement aux États-Unis à l'époque. Est-ce que vous étiez impliqué? J'étais plutôt impliqué dans le mouvement anti-guerre, anti-armée. It was not my environment. C'était pas dans mon environnement. Ce mouvement des droits civiques ne se passait pas dans mon environnement, là où j'étais. Avez-vous l'impression aujourd'hui que Barack Obama, c'est un peu la conséquence de ce long combat pour les droits civiques, ou pas du tout? If Obama is the result of the long struggle for civil rights, absolutely. And tout à fait. Son élection est un événement de première importance dans l'histoire des États-Unis. Si on parlait maintenant de votre roman Little America, alors moi je m'attendais à de la science-fiction, mais pas du tout, c'est une satire, c'est très drôle. Et Little America, c'est un lieu emblématique que vous avez choisi pour parler de l'Amérique des années 60-70. C'est une des plus grandes stations de service au monde et vous avez décidé que ça allait être le laboratoire de cette Amérique-là. Mais c'est vraiment l'endroit qui existe et qui existe encore aujourd'hui? Oui. Yes, it still exists. Ouais. It's a very large. Oui, elle existe encore aujourd'hui. C'est la plus grande station essence au monde. Gas mm-hmm. station. I think now it's become a kind of it's a chain. Now I think there are others. Ouais, c'est plus une chaîne aujourd'hui. Il y a des hôtels. Mais ce qui est important, c'est que les ateliers de réparation sont toujours là. Ils existent depuis l'époque, ces hôtels et tout ça. Et donc, mettre la loupe sur cet endroit emblématique de l'Amérique, ça vous permet, vous, de parler de la période américaine, Rob Swigart. Est-ce qu'on peut dire que Little America, dans sa veine humoristique, parce que c'est une satire, est un roman qui parle de l'égoïsme américain après le rêve américain, puisque là, on va voir que le cynisme va aller jusqu'à s'infiltrer dans la sacro-sainte famille américaine. Un enfant qui rêve de liquider son père pour récupérer son héritage. It's a great question. Yes. Little America represented to me the nexus, the center of automobiles. Because the automobile donc, Little America représentait pour moi le centre de l'automobile et quand on grandit aux États-Unis, la voiture reste quand même un objet emblématique. So it was important for my protagonist to have a dream. Donc c'était important pour moi que mon protagoniste ait comme rêve de se rendre dans la plus grande station essence, parce que aux États-Unis, tout doit toujours être le plus grand possible. And the car was the place where we grew up. Inside the car, la voiture, c'était l'endroit où on grandissait, littéralement à l'intérieur de la voiture. C'est là qu'on grandissait, c'est là qu'on avait nos premiers rapports intimes. And we also ate in the car because there were restaurants. On mangeait également dans la voiture puisque on allait au restaurant dans les drive-in et on se faisait passer la nourriture à travers la fenêtre. So the car was the center of social life. Et donc la voiture était le centre de la vie sociale et de la vie sexuelle également. Et on a l'impression que c'est pour vous cette période, Rob Swigart, c'est une période bascule. Parce que ce que vous malmenez à travers cette description d'une Amérique fière de son industrie automobile, fière d'imaginer un monde encore plus riche, encore plus grand, ce qui est visé, c'est l'autre rêve américain, celui de la famille que vous malmenez. Ah. Well, the idea behind the book was l'idée derrière le livre était de faire une comédie de l'histoire d'Oedipe. Mm-hmm. So it's a story about a young man who wants to et c'est donc l'histoire d'un jeune homme qui souhaite tuer son père et posséder sa propre station essence dans la ville, si on peut parler d'une ville, de Little America, dans le Wyoming. Et ça, c'est une satire d'un capitalisme qui se fout de la famille, du respect de la personne humaine. Well, according to Freud, every young man wants to kill his father and marry his mother. Mm-hmm. And in that period, selon Freud, tout jeune homme cherche à tuer son père et à épouser sa mère. Et à cette période, la contre-culture, parmi lesquelles également le mouvement des droits civils, était une manière de mettre à mal ce schéma. Et vous avez l'impression d'avoir participé dès le début à cette contre-culture, Rob Swigart? I was a little old for it. J'étais un petit peu trop âgé pour ça, mais j'ai participé tant que j'ai pu. Vous n'étiez pas suffisamment âgé pour prendre toutes les substances chimiques qui ont accompagné cette période et cette contre-culture. Cela se voit dans le livre, Little America, c'est écrit d'une manière fragmentée, une centaine d'histoires un peu loufoques, le sexe est très très présent, même dans la structure du livre, même dans la narration, on a l'impression que vous étiez complètement emporté, pour ne pas dire imbibé, de tout ce qui se consommait à cette époque-là en Amérique. I was very influenced by the film Nashville by Robert Altman, particularly the structure of that film. J'ai été très influencé par le film Nashville de Robert Altman, qui prend plusieurs fragments et qui les assemble entre eux. It's an assemblage of small fragments that build. Ces fragments assemblés forment une mosaïque. That creates. Et tout cela forme un ensemble qui, dans le film également, est très satirique. Et j'ai été très influencé par ce film. Est-ce que vous avez un peu étonné vos lecteurs avec cette satire qui épouse plutôt les codes de la contre-culture? Le livre traite quand même de science-fiction, puisque au final, le jeune homme cherche quand même à construire une bombe pour tuer son père. Growing up in the 1950s and 60s, mais lorsqu'on grandissait aux États-Unis dans les années 50 ou dans les années 60, la grande peur, c'était le nucléaire. So, using a nuclear bomb to blow up one's father seemed to me quite funny. Et donc dans ce contexte, utiliser une bombe pour faire sauter son père me paraissait assez drôle, justement. Little America de Rob Swigart, une satire de l'Amérique des années 60-70, plus basée d'ailleurs sur la tragédie grecque, on a parlé d'Oedipe. Est-ce que vous continuez à être écrivain, Rob Swigart? Question, qu'est-ce que vous avez fait depuis Little America, depuis sa publication en 1977? I'm still a writer, yes. Oui, j'écris toujours. Et qu'est-ce que vous écrivez? I have written science fiction, I have written, j'ai écrit de la science-fiction, thrillers. J'ai écrit des thrillers. I have written more comedies. J'ai écrit d'autres comédies. I have written books about archaeology. Et j'ai aussi écrit plusieurs livres sur l'archéologie. Est-ce que vous avez conservé votre style ou est-ce que vous avez l'impression, Rob Swigart, que vous êtes conformé aux changements de l'époque et aux demandes du marché? Pardonnez-moi de vous poser cette question. Probably a mistake, but I have changed my style several times. C'était probablement une erreur, mais mon style a changé plusieurs fois. Et de quoi vivez-vous aujourd'hui? I'm retired. Je suis retraité aujourd'hui. Et quand vous êtes chez vous, qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez la musique des années 60-70? Vous êtes très nostalgique des années de votre jeunesse? I'm not particularly nostalgic for my period, no. Non, je ne suis pas très nostalgique de cette époque. I'm nostalgic for the humor I found in it. Je suis plutôt nostalgique de l'humour que m'inspirait cette période. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui on a perdu ce sens de l'humour aux États-Unis? Yes. Oui. Bon, et en plus de l'humour, il y a du sexe, et beaucoup, dans Little America, édité en France, enfin, près de 40 ans après sa publication aux États-Unis par Cambourakis. Merci beaucoup, Rob Swigart, d'être passé ce matin. Ah oui, merci beaucoup. Un autre jour est possible, c'est votre réveil culturel. Vous pouvez bien sûr nous écouter en passant par franceculture.fr. Le podcast est à votre disposition. Merci, à demain.